15, observation, étude. Quand on fait des études, on peut faire Du droit. de la sociologie, De la psychologie. des mathématiques, De la médecine. de la physique, De l'astrophysique. de l'histoire de l'art, Etc. ou bien on peut faire médecine, HEC. Polytechnique, VIX. Les langues eaux. Agro. Normal sup. L'ENA. Etc. Notez, HEC, VIX, Agro, Normal sup sont des grandes écoles, des écoles d'enseignement supérieur où on entre par concours. HEC, ça veut dire hautes études commerciales. L'IX, c'est l'école polytechnique. Les langues eaux, l'école des langues orientales. Agro, l'institut d'agronomie. Normal sup, l'école normale supérieure. L'ENA, l'école nationale d'administration.